Je rigole. Oh, c'est pas possible, l'ambiance de fou qui règne dans le studio. Oh, mais c'est fou. On dirait un album de Frankie Vincent. Oh, mais c'est pas possible. Mais t'es fou, toi, mais t'es trop con. Tu veux me faire mourir de rire ou quoi? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance de fou? Je rigole comme un putain, mais toi, c'est nous, c'est toi. Non, toi, t'es malade, t'es fou. Non. Ah, mais c'est pas possible. Moi, tu sors ta savane. Tu sors ta savane, tu fais des blagues, c'est pas possible. Oh, mais je rigole, mais tu veux pas non. Tout le monde m'a mais c'est pas possible. T'es fou, t'es complètement fou. Putain, c'est trop drôle.